Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisqu'on reçoit Tom, a.k.a. le Bombadiste. On va parler création de contenu dans le badminton, de son contenu et notamment de son documentaire sur le retour de blessure de Léa Palermo. Et ensuite, on va se plonger un peu dans ce qu'on aimerait voir un peu dans notre bad idéal et dans ce que ça pourrait être et de la façon dont notre sport pourrait être mis en avant. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. It's me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et je suis, comme d'habitude, accompagné de Benoît. Salut Benoît! Salut Ewan, salut Tom. Et comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on n'est pas que deux puisqu'on est accompagné de Tom, alias le Bombadiste sur YouTube. Salut Tom, merci d'être avec nous. Hello, merci beaucoup pour l'invite les gars, ça fait grave plaisir. On se connaît un peu en dehors, mais franchement ça fait plaisir d'être sur 21 Shuttle. Bah effectivement, on se connaît depuis quelques années maintenant, et effectivement le bad, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais c'est un petit monde, hein, donc on se croise quand même régulièrement sur des tournois internationaux ou autres. Yes. Bah Tom, ma première question, ça va être, Benoît et moi, on te connaît, et je pense qu'une partie de ton audience est une partie de la nôtre, et vice-versa, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, et notamment ta chaîne YouTube, comment c'est arrivé, ton parcours dans le bad en quelques mots, voilà, je te laisse un peu te présenter en quelques mots. Yes, c'est une des pires questions pour moi parce que je ne sais absolument pas définir le bombadiste parce que je fais beaucoup trop de choses. Je fais beaucoup trop de choses. Non, je m'appelle Tom, j'ai 26 ans, j'ai créé le bombadiste en septembre 2023. Je le définis comme un média indépendant sur le badminton, français, mondial, etc. Bon, je parle en français donc forcément ça va un peu plus à la destination des francophones en tout cas. Voilà, je parle de badminton, soit de en partant de moi, donc de ce que je vis moi dans le badminton, ce que je fais pas forcément beaucoup, mais surtout pour parler des personnes qui font vivre le badminton en France et à l'international, donc les joueurs, les arbitres, enfin voilà, j'aime bien un peu aussi pas parler que de ce qu'on voit sur le terrain, mais de parler de ce qu'on voit aussi, enfin de ce qu'on ne voit pas et de ce qui est en dehors des terrains. Donc voilà comment je me définirais un peu. Je suis photographe vidéaste de métier. Donc voilà. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que je commençais à connaître un peu de monde dans le badminton, et est venue la réflexion de me dire, est-ce que je me montrerais pas, est-ce que je ferais pas un truc où je me montre un peu plus et où du coup je les gens peuvent plus s'identifier, etc., etc. Et de là est venue l'idée de monter le bombadiste, d'apparaître et de raconter des histoires autour du badminton. Oui, parce que c'est intéressant que tu parles du fait d'apparaître. C'est vrai que nous, on t'a déjà vu, notamment, tu as fait des choses avec la fédération, avec certains tournois, mais souvent, on te voit bouger dans la salle pour filmer les matchs ou les coulisses, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que le passage sur YouTube avec ta chaîne, c'est plus incarné, quoi. On te voit toi, et c'est une sorte... Le bombadiste, c'est une sorte, voilà, un peu de personnage, on peut dire, et c'est plus seulement... tu filmes plus seulement ce que tu vois, mais il y a aussi toi, quoi. Ouais, bah en fait, je me suis rendu compte parce que j'en suis beaucoup et parce que je pense que on est dans un monde aujourd'hui où c'est beaucoup ça, mais où si tu ne peux pas t'identifier à la personne dont tu regardes le contenu, ça marche forcément moins bien. J'avais monté un autre projet avant où j'apparaissais pas du tout, qui marchait plutôt pas mal, mais où les gens ne s'identifiaient pas du tout. Quand j'arrivais sur les tournois, on me reconnaissait pas, les joueurs ne me connaissaient pas, ou en tout cas très peu. Là aujourd'hui, les joueurs me voient sur le tournoi, viennent me dire bonjour, me voient, savent ce que je fais, etc., etc., que ce soit des joueurs pros ou même des joueurs lambda, des joueurs amateurs, et je trouve ça trop intéressant parce que du coup on peut vraiment s'identifier à ce que je fais, à la personne que je suis, et du coup j'ai adoré le fait que tu présentes ça comme un personnage, parce qu'aujourd'hui on m'appelle le bombadiste et moi j'ai toujours défini le bombadiste comme n'étant pas forcément moi je travaille pour un truc qui s'appelle le bombadiste, mais c'est comme si toi on t'appelait 21 Shuttle, tu vois, et en fait je trouve que faut vraiment dissocier un peu les deux, quoi, parce que effectivement si c'est pas moi le bombadiste, ça va au-delà de moi en fait, et c'est vraiment l'idée de base, c'est que ce soit pas que moi qui représente ce truc là et que ça puisse être plein de gens, quoi. Ouais, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis et ce que vous dites, parce que le fait que t'incarnes un personnage, ça résume exactement moi ce que je pense du bombadiste. Et en fait, c'est vrai que entre nous on dit jamais le bombadiste parce qu'on te connaît, et nous, pour nous, t'es Tom, mais c'est, enfin, pour nous, c'est deux personnes dissociées, et c'est hyper intéressant, je trouve, de le dire. Et c'est aussi une évolution dans ce que t'as fait toi, parce que t'as parlé d'un média avant, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai des questions aussi à te poser là-dessus. Sur ce que tu faisais, et aussi les gens ne te connaissent peut-être pas sous cette forme-là, mais ça fait, je pense, 7-8 ans qu'on se connaît maintenant, et en fait, au-delà du personnage, on voyait ton nom apparaître en petit aussi sur des productions, je pense, de la Fédé, mais peut-être aussi de quelques tournois en France, et c'était, enfin, c'est toujours ce que tu fais aujourd'hui dans la façon de filmer, mais ça a vraiment changé, c'est plus du tout juste, je suis derrière la caméra, je filme ce que je vois, et c'est ce que disait Ewan, c'est en fait, maintenant tu filmes aussi ça, mais à travers le personnage du bombadiste. Ouais, c'est ça, ça a été le projet. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est IFB 2019, je m'en rappelle, c'est parce 19, que c'est mon premier, ah, okay. Ouais. Donc ça fait 6 ans, enfin ça va faire 6 ans en octobre, et c'était mon premier projet avec la Fédé. Et je sais pas si vous avez des questions sur l'historique peut-être, mais du coup je suis parti un peu là-dessus. Mais ouais, du coup, premier projet avec la Fédé, c'était ça. Et après, le plus gros projet avec la Fédé que j'ai fait, enfin, il y en a eu deux, mais pour moi c'était le premier, donc forcément le plus gros, mais c'est Liévin 2020, où j'ai couvert tout l'événement des championnats d'Europe par équipe masculine et féminine à Liévin, donc près de chez moi puisque je suis du Nord, en étant mauvais payé, souvenir etc. De bad. Mauvais souvenir de bad, de ouf, vraiment, ouais. Mais par contre, des images de dingue, des vidéos de dingue, et je sais que, ouais, je pense que c'est un des projets dont je suis le plus fier, limite, dans le badminton, parce que ouais, c'était un de mes premiers projets, j'avais réussi à vraiment produire des trucs cool, enfin, que je trouve encore aujourd'hui cool, et c'est toujours ça qui est compliqué, je pense, dans les trucs, moi, c'est assez éphémère, mon contenu. Je pense, surtout qu'il y a de l'évolution, etc. Et puis quand tu couvres une compétition, bah, en fait, on s'en souvient encore un an après, mais au bout de 2 ans, on se dit, bon, bah voilà, c'était il y a 2 ans, quoi. Et surtout dans le badminton, où en fait, tu vois, t'as des compétitions, par exemple, pour les compétitions par équipe, t'en as tous les ans. Donc en fait, c'est très vite remplacé. Et je trouve que ce qui est dur, c'est de réussir à durer dans le temps. Enfin, c'est vraiment ça un peu l'idée que j'ai maintenant, c'est de réussir à juste durer dans le temps, quoi. Pas forcément changer tout le temps, pas forcément... Moi, je suis quelqu'un qui adore changer, qui a besoin de changement tout le temps, qui a besoin de faire des choses différentes. Et en même temps, bah, le fait de durer dans le temps est hyper important, quoi. Ah bah, on en reparlera après du fait que tu crées aujourd'hui du contenu un peu plus intemporel aussi. Mais moi, je me souviens, il y a 6 ans, quand on s'est rencontrés, t'avais ce prisme création de contenu que je pense on t'a toujours reconnu. Enfin, ce que tu faisais dans la vidéo et tout, ça a toujours été hyper quali. Je pense qu'on reviendra pas là-dessus, même si ça a évolué et tout, évidemment. Mais moi, je me souviens surtout que t'avais une connaissance du bad international qui commençait juste. Et quand je vois aujourd'hui, genre vraiment ce que tu connais du bad international, je me dis c'est assez fou. Et bon, tout ce qui est vidéo et tout, j'ai pas la connaissance pour dire oui, sans doute t'as évolué dans ton travail, mais ça c'était déjà hyper pro. Et moi je me demande juste comment t'as fait aussi pour développer cette connaissance du bad, parce que je trouve qu'aujourd'hui dans tes vidéos aussi on ressent que t'as évolué sur cet aspect-là. Comment j'ai évolué, honnêtement, c'est dur à répondre parce que j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, en fait, tu sais, je pense que toi, tu me vois à des étapes, genre tu me vois, enfin, on en parle tous les allez, 3, 4, 5, 6 mois, tu vois. Et du coup, forcément, tu vois des gros gaps. Je pense que non, c'est juste de l'intérêt que j'avais déjà à ce moment-là et que j'ai creusé et que du coup, je connais un peu plus maintenant. Mais... j'ai pas l'impression d'avoir énormément évolué. Enfin, je pense que vous avez encore tellement de connaissances à m'apporter, vous ou des personnes qui s'y connaissent encore plus, tu vois. Mais ouais, non, c'est juste me renseigner, regarder un peu. Mais c'est pas un truc genre, c'est pas du jour au lendemain, je me dis vas-y, je vais tout apprendre et je fais que des recherches sur le net et je regarde tous les joueurs, etc. Non, honnêtement, aujourd'hui, je peux même pas te citer les dix premiers mondiaux en double homme, en simple homme, enfin tu vois. Je peux même pas parce que. Ouais, ça s'est fait contre, naturellement. Ouais, j'en connais quelques-uns, mais ça se fait naturellement à force d'être sur les tournois, à force de regarder, de voir les noms, etc. Alors évidemment, tu connais les plus grands noms, mais au-delà de ça, ouais, voilà, c'est ça. Après, je pense qu'il y a eu un vrai changement aussi par rapport à ça, qui est très récent. C'est les JO. où moi j'ai couvert, j'ai essayé de couvrir au mieux de ce que je pouvais, sachant que j'étais pas là-bas. Je sais pas si vous avez pareil prévu des questions forcément là-dessus, mais ça a été super compliqué pour moi de couvrir ce genre de truc pour des raisons perso qui étaient que j'étais en train de déménager, etc. Donc en fait je suis très peu content des vidéos que j'ai produites, parce qu'en termes de qualité, etc., ça, c'est vraiment descendu de ouf, et j'en étais pas content du tout. Par contre, je les laisse sur mon compte, tu vois, je me suis déjà dit, est-ce que je les enlèverais pas ? Mais en fait, je les laisse parce que c'était un moment où il fallait, où je m'étais dit, là, pendant 3 semaines, je produis 1 à 2 contenus par jour, et l'idée, c'est juste de m'y tenir. Et si la qualité, elle baisse ou quoi que ce soit, bah, c'est tout. Et tu parlais de qualité, en fait, moi, ça a toujours été le principal truc. Et c'est ce que je disais déjà en 2019 et ce que je dis encore aujourd'hui, c'est que je suis pas journaliste. J'ai jamais voulu être journaliste et ça peut s'en rapprocher. Mais pour moi, un journaliste, il fera passer l'info avant l'image. Et moi, je ferai toujours passer l'image avant l'info. C'est-à-dire que si j'ai pas une belle image, mais que j'ai une putain d'info, bah, en fait, je vais pas la mettre. Je suis capable de dire, bah, là, j'ai pas une belle image pour parler de ça, pour faire ça. Donc, en fait, je vais pas la mettre. Parce que même si c'est une info de dingue, etc., ouais, mais l'info, je m'en fous. Moi, je veux que l'info, elle soit relayée par une belle image, par un beau truc, par. Enfin, voilà. J'ai vraiment ce truc-là de l'esthétique de l'image qui est, en fait, mon métier à la base, hein, vidéaste et photographe. Moi, à la base, je suis absolument pas là pour relayer des infos. Je suis là vraiment pour rendre belles les choses que je vois et c'est ça l'idée, quoi. Et je pense que c'est ça qui te différencie un peu de tous les autres créateurs de contenu aujourd'hui, quoi. Ça fait très, très péteux de dire ça comme ça, mais... Non, mais c'est intéressant, parce que moi, je l'avais jamais considéré comme ça, mais quand on prend ton parcours, c'est logique, en fait. Toi, t'es d'abord vidéaste avant d'être créateur de contenu BAD. Nous, avec Benoît, on a un peu fait le trajet inverse, c'est-à-dire qu'on est venu du BAD où d'abord on écrivait, et après on s'est dit, vas-y, on veut faire un truc sur le BAD, et la forme, c'est venu, en l'occurrence un podcast, c'est venu dans un second temps. Et ma question, du coup, c'est... Du coup, tu viens de définir assez bien ce que tu fais. Est-ce que t'as des inspirations, alors un, dans le sport français hors BAD, genre des émissions, des créateurs de contenu, etc., où tu copies pas ce qu'ils font, mais tu te dis, ah, ça c'est cool, j'aimerais faire un peu plus comme ça, et quand t'as lancé ta chaîne, t'avais ça en tête, ou alors même hors sport, tu vois, des créateurs de contenu, ou des, voilà, des, je sais pas, des émissions où tu te dis ça, j'aimerais tendre vers ça. Il y en a plein. Il y en a forcément plein. Moi, je suis un très très gros consommateur YouTube, Insta, beaucoup trop, ce qui fait que je perds beaucoup de temps dans mes journées. Mais non, il y en a plein. Là, le premier qui me vient vraiment, c'est Sammy Unseen. J'en ai déjà parlé en live. C'est un gars qui fait des vidéos, qui a fait pas mal de vidéos pendant les JO, etc., qui a commencé par le football américain et qui aujourd'hui travaille avec des grands noms comme Decathlon ou des choses comme ça. Et c'est vraiment un mec qui raconte des histoires dans le sport. Et il vlogue pas mal, etc. Il va vraiment sur les lieux pour faire du contenu au sein des matchs ou au sein de tout ça. Et franchement, moi, il m'a énormément inspiré. Il m'a énormément donné envie de faire ça. Donc ce serait le premier. Et après le deuxième, ça c'est ma petite dédicace perso, mais c'est le volleyeur français qui est devenu un ami depuis et qui m'a, je peux le dire honnêtement, je pense que le bombadiste existe en grande partie grâce à lui, qui m'a poussé de ouf. Donc le volleyeur français, c'est Jérôme, il s'appelle, et c'est un gars qui fait la même chose que moi, entre guillemets, dans le badminton, mais qui le fait depuis plus longtemps et dans le volley. Et lui, il crée du contenu aussi autour des histoires, etc. Il a fait plein de contenu. J'ai travaillé un peu pour lui en tant que cadreur. Et en fait, j'ai dit, mais c'est génial, quoi. J'ai trop envie de faire ça, etc. Et il m'a dit, mais fais-le, en fait. Enfin, il y aura plein de trucs où t'auras des idées, t'auras des trucs, mais il faut que tu notes toutes tes idées et il faut vraiment que tu te lances, quoi. Et ça a mis beaucoup de temps. Parce que je me posais beaucoup, beaucoup de questions sur le fait d'apparaître, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me vois plus du tout faire de contenu sans apparaître. Dès que je dois faire un contenu sans apparaître, j'ai l'impression que je ne sais plus le faire. Donc, c'est un peu, je pense qu'on en reparlera, mais c'est un peu le parallèle entre les deux, de dire, bah, en fait, je suis capable de vendre du contenu où j'apparais pas, à la base, et aujourd'hui, j'ai l'impression de plus être capable de le faire, quoi. Parce que le fait d'apparaître et de moi raconter l'histoire, c'est devenu super important et c'est devenu mon taf au quotidien, quoi. Ouais, bah, on en reparlera après, mais effectivement, il y a aussi ça, on l'a pas dit, mais il y a aussi Tom, aka le bombadiste, et il y a aussi Tom qui bosse pour des marques, pour des boutiques et qui créent du contenu. On en dira un petit mot après, mais effectivement, il y a aussi ces deux pans du créateur de contenu qui sont pas totalement différents, mais qui sont quand même assez différents. Et j'avais une question, même si j'ai une vague idée parce qu'on en parle régulièrement, mais le métier de créateur de contenu dans le monde du sport, tu nous l'as un peu décrit, mais pour les gens du coup qui ne savent pas forcément comment ça se passe, justement les deux pans que tu viens de décrire, notamment comment ça s'articule, qu'est-ce que tu fais. Il y a effectivement le bombadiste, et on l'a dit aussi, il y a le contenu que tu crées pour les marques, les boutiques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est ça ton quotidien? Voilà. Trop intéressant, parce que c'est extrêmement récent et que je suis encore en train d'apprendre. Moi, j'ai toujours été très mauvais en marketing. C'est-à-dire que je pense, honnêtement, que je peux être très bon dans l'image. Je peux être très bon dans ce que je sais faire, c'est-à-dire dans mes études, dans mon métier. Les gens sont... Moi, la plupart des premiers compliments qu'on me fait, c'est « Ah putain, tes vidéos sont quali ». Oui, ok, ça c'est une chose. Aujourd'hui, j'essaye de dépasser ce truc-là et de recevoir pas que forcément du « Ah, c'est quali », mais de recevoir aussi du « Ah putain, le fond, j'aime bien aussi, quoi ». Donc déjà, il y a ça. Mais au-delà de ça, avec les marques, c'est extrêmement récent. Ça fait du coup septembre 2023, je monte le bombadiste. Un mois après, j'ai un appel avec une marque Yonex qui me propose de me sponsoriser. Donc ça, c'est assez ouf, parce qu'en tant que joueur, moi je suis joueur de régional, donc clairement en fait c'est même pas la peine d'appeler une marque pour essayer d'avoir un contrat quand on est à ce niveau là et là on me dit en fait par rapport à tes vidéos etc, on veut t'envoyer du matos. Donc ça, c'est ouf. Aujourd'hui, je suis plus avec Yonex, je suis avec Victor. Bon, ça, je sais pas si vous pourrez le garder, les gars, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai signé avec Victor depuis octobre 2024. Et ça se passe hyper bien. J'ai aussi un contrat avec Esprit Badminton, qui est un magasin près de chez moi et qui m'ont énormément apporté aussi. Mais tout ça, c'est hyper récent. Concrètement, comment ça se présente pour Esprit Badminton? En fait, à la base, moi, je m'étais dit, j'aimerais bien faire une vidéo sur choisir sa raquette, choisir ses volants, enfin vraiment de l'aspect matériel. Sauf que je me sentais pas du tout légitime de le faire moi-même. C'est-à-dire que aller dans un magasin et dire « acheter cette raquette-là », clairement, je me sens pas légitime de le faire. Ou expliquer comment choisir sa raquette, au-delà de « acheter cette raquette-là », c'est juste « les raquettes, il y a trois paramètres, machin ». Des vidéos que j'ai déjà fait sur mon Insta. Et donc, je me suis dit, en fait, il me faut un soutien là-dessus, un soutien d'un magasin, ou en tout cas d'un professionnel qui, lui, c'est son taf. Et du coup, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de légitime pour parler de ça. Et de là, moi, Esprit Bad, ça fait des années que je les connais. J'ai déjà travaillé un petit peu pour eux, justement, sur de la création de contenu où j'apparaissais pas, etc., à mes débuts. Et je les ai contactés. On en a discuté pendant quelques mois, etc. Puis on est tombé sur un accord. Et donc, aujourd'hui, Esprit Badminton, il y a une vidéo par semaine qui sort sur leur réseau, soit en collaboration avec le Bombadiste, soit juste eux. Mais toutes les vidéos sont réalisées par moi. Il y en a qui sont pas en collaboration avec le Bombadiste, tout simplement parce que c'est, je te donne un exemple, mais c'est présentation de l'équipe de chez Esprit Badminton. Donc c'est des trucs où j'ai pas besoin d'apparaître parce que je j'y parle pas du tout, etc. C'est vraiment les personnes de chez Esprit Bad qui apparaissent, qui en parlent. Donc voilà. Et après, du coup, avec la marque Victor, j'ai plusieurs contrats différents. J'ai un contrat matériel où ils me fournissent du matériel en échange de vidéos concernant soit ce matériel, soit du matériel que la marque Victor propose. Donc ça, c'est un premier contrat. Et ensuite, j'ai un deuxième contrat sur de la création de contenu sur des événements. Donc je couvre plusieurs événements sur l'année organisés par Victor, qui est en partenariat avec la FF Bad depuis peu. Donc par exemple, je suis parti au championnat de France il y a 3-4 semaines, à l'heure où on se parle. J'ai plusieurs contrats avec eux. Donc ça implique, moi l'idée, c'est de pouvoir sortir une vidéo sur si je fais un peu une semaine type. C'était un peu ça ta question, je pense, Benoît. L'idée, c'est que une vidéo, comment elle se décompose, c'est trouver l'idée. Donc ça, déjà, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs jours. Pousser vraiment l'idée au maximum, etc. Et puis commencer à écrire la vidéo, commencer à réfléchir à comment je peux raconter cette histoire-là, ou comment je peux parler de ce produit-là, ou des choses comme ça, sans que ça fasse commercial, parce que je suis pas commercial, je suis pas là pour vendre, c'est pas l'idée, c'est juste que c'est des soutiens, en fait, c'est des soutiens qui me permettent soit d'avoir du matériel, soit d'avoir de l'argent, donc je suis un peu obligé de passer par là. Et ensuite, il y a tournage, donc pousser l'idée au max, réfléchir à comment je peux la tourner. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui dans mes bureaux ou pas du tout? Et ensuite, il y a toute la partie post-production, où là, c'est pareil, c'est que de la réflexion. Ça peut prendre entre 1 et 2 jours, je pense, sur des vidéos courtes. Parfois, c'est plus. Quand c'est des vidéos sur le terrain, souvent, c'est plus, parce qu'il faut tout regarder et essayer de choisir les meilleurs éléments, etc. Donc voilà, mais du coup, sur une vidéo, on est entre 1 et 3 jours de travail, et j'essaie d'en sortir 2 par semaine. Ce qui fait des bonnes semaines. C'est pas mal. C'est clair. I'm the bad guy. Take that. Tu parlais de ton contenu un peu en général, mais on voulait t'interroger aussi sur une vidéo en particulier qui est une de tes plus récentes et ta plus ambitieuse, j'imagine, c'est toi qui nous le diras. C'est ce documentaire, je pense qu'on peut utiliser le mot, que tu as fait sur, notamment sur Léa Palermo, sur sa carrière, mais surtout sur son retour de blessure après la deuxième fois qu'elle s'est pété les ligaments croisés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment t'es venu? Tu dis dans le documentaire de mémoire que tu voulais parler de la blessure du sportif et du retour de blessure depuis longtemps. Donc comment cette idée t'est venue et pourquoi Léa Palermo et pas une autre finalement? Parce que des sportifs et des sportives, même des badistes qui se blessent, il y en avait d'autres. J'en parle pas mal dans le docu, pour ceux qui l'ont vu, j'en parle pas mal à la fin, parce que moi j'ai un vrai principe, c'est d'essayer de pas changer et de toujours être honnête. Et du coup je me suis dit, en fait, à la fin du docu, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais je veux raconter comment cette histoire là elle est venue, et j'adore en parler parce que je trouve que c'est une trop belle histoire, enfin, que ce soit moi ou pour moi ou pour Léa, mais je trouve que l'histoire est trop belle, et du coup merci beaucoup pour la question et je suis trop content de pouvoir en parler. L'idée, c'est que moi, depuis au moins 2017-2018, on en revient toujours à montrer ce qu'on voit pas forcément sur les terrains, un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais l'idée, c'était de dire, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai vu plein de sportifs qui, quand ils avaient 15 piges, on s'est tous dit, ouais, lui, c'est le prochain Mbappé, c'est un truc de ouf, il est trop fort. Et en fait, le mec, t'en entends plus parler du jour au lendemain parce qu'il s'est pété. Et en fait, sa vie tourne autour de son corps et tourne autour de « il faut pas qu'il se blesse ». Aujourd'hui, tu prends un Wembenyama qui s'est blessé, là, je crois, j'ai vu passer des trucs, le gars n'a plus de saison, il termine la saison en étant blessé, etc. Tu te dis c'est une saison. Mais il y a des gens, en fait, et pour la petite histoire, en sortant du tournage de ce documentaire-là à l'INSEP, je vais sur Insta et je vois une publication d'un gars qui doit arrêter sa carrière de sportif professionnel en gym parce qu'il s'est pété. Et du coup, genre, tu remets en question absolument toute ta vie, en fait, à ce moment-là, parce que tu te dis, en fait, ma vie, c'était d'être sportif de haut niveau, j'avais des objectifs, et aujourd'hui, je peux plus. En fait, je dois absolument faire un virage, c'est même pas 90, c'est 180 degrés, pour réapprendre toute ma vie, parce que le sport de haut niveau, aujourd'hui, n'est plus possible. Et en fait, moi, ça m'a toujours intrigué, parce que je me suis aussi beaucoup blessé en tant que sportif amateur. J'avais des tendinites, j'avais des trucs. C'est des trucs qui durent longtemps, mais qui n'ont jamais été une grosse blessure. Je me suis fait des entorses à la cheville qui étaient plus ou moins grosses, etc. Et je pense que tout ça, ça a nourri un truc de, en fait, je veux en parler, parce que moi, quand je me blesse, mais j'en suis malade de ne pas pouvoir jouer pendant 3 semaines, des fois au bad, j'en suis malade parce que c'est pas un choix. C'est, je me suis blessé, donc je suis obligé de m'arrêter. Et ce truc-là, je me suis dit, en tant que sportif pro, ça doit être encore bien pire, parce qu'en fait, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de tout ce qui nous faisait vivre, etc., etc., tout ce qui nous donnait envie de nous lever le matin, il n'y a plus, du jour au lendemain, c'est fini. Donc ça, c'est à peu près, je pense, cette réflexion-là, elle est 2018-2019. Et en 2019, Léa se fait les... 2021, pardon. Donc ça, c'est 2019-2020. Et en 2021, Léa se rompt les ligaments croisés du genou gauche avec un truc assez, assez compliqué pendant les championnats du monde par équipe. Je crois que c'est l'Uber Cup, je crois que c'était l'Uber Cup de mémoire, Benoît, ouais. J'ai un petit doute. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça aussi. Donc à l'Uber Cup 2021, elle se fait les croisés en début de match contre des japonaises, etc. Elle jouait à l'époque avec Delphine Delru, qui était sa partenaire de double dame. Et elles doivent être, je pense, à cette époque-là, top 40, voire top 30 mondial. Et en gros, donc elle fait ça. Et trois semaines plus tard, c'est les IFB. Moi, j'y suis. Et la Fédé me dit, bah, y a Léa Palermo qui est là. On aimerait bien prendre de ses nouvelles. Et donc faire une mini vidéo, 30 secondes, une minute, sur comment va Léa Palermo. Donc je leur dis OK. Moi, c'est la première fois que je rencontre Léa. Je l'avais vue à Liévin avant, mais on s'était quasiment pas parlé. Enfin, elle était au sein de l'équipe, donc j'étais pas là que pour elle. Et là, du coup, on se rencontre. Et en fait, elle m'inspire de ouf. Tu sais, c'est genre première rencontre où en fait elle est en mode, ben c'est comme ça, c'est fait, je vais revenir, c'est OK. Et tu te dis, attends, là, ça fait trois semaines qu'elle s'est blessée, et en fait, tout va bien, quoi. Et évidemment, elle est au fond du trou parce que c'est super dur. Mais en fait, quand tu l'entends parler, etc., c'est hyper inspirant. Tu te dis, mais en fait, tout va bien là. Enfin, genre, elle s'est pétée, mais en fait, ça va le faire, quoi. Et de là, je la recroise après dans les couloirs, etc., de Coubertin. Et je lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une vidéo sur ta blessure ? Et elle me dit, bah, ça peut, etc. Je lui dis, bah voilà, moi, je te contacterai sur Insta. Je vais y réfléchir et je te contacte sur Insta dès que possible, dès que j'y ai bien réfléchi, etc. Et on essaye de se faire un truc. De là, bah, y a plusieurs mois qui se passent. Moi, j'y ai pensé, mais j'avais besoin, je pense, vraiment de prendre ce temps-là aussi de réflexion, etc. à ce moment-là. Je pense avril-mai 2022, je la recontacte et je lui dis bah voilà, du coup je reviens vers toi, est-ce que t'es toujours chaud pour faire la vidéo, etc. Elle me dit oui et on commence à y réfléchir. Et en fait, je pense que pourquoi Léa Palermo, tout simplement parce qu'elle a répondu positivement, parce qu'elle m'a inspiré et parce que le courant est bien passé et du coup c'est toujours intéressant parce que les croisés c'est une blessure aussi qui est très souvent faite et qui est un peu iconique, tu vois. J'ai pas été pro parce que tu connais les croisés, enfin en fait tout le monde connaît les croisés par des vannes, par des trucs, mais en fait tout le monde connaît, tout le monde sait pas forcément ce que c'est, mais tout le monde connaît cette blessure, sait que c'est une blessure qui est longue. Et donc c'était trop intéressant, je trouvais, d'en parler. Et au-delà de ça, du coup en 2022, elle me propose de venir au Centre Européen de la Rééducation du Sportif dans la sphère haut niveau et d'aller avec elle pendant 3-4 jours au départ, et puis je suis resté une semaine au final, donc à Cap-Breton dans le sud-ouest, à côté de Biarritz. Et du coup je fais cette première étape là de partir au CERS. Donc voilà comment ça s'est fait sur les premières étapes. Et puis après on est retourné à l'INSEP, etc. On a laissé du temps et tout ça, comme je le raconte dans le documentaire. Mais voilà, l'idée c'était de raconter l'histoire de quelqu'un blessé et pourquoi aller à Palermo. Je pense que ça s'est fait un peu par la force des choses, tu vois. Elle a répondu positivement. Enfin, c'est un peu ce que j'ai dit, mais ça s'est fait comme ça, quoi, naturellement. Pour rebondir, c'est pas vraiment une question, mais pour rebondir un peu ce que j'ai bien aimé moi dans le documentaire, enfin c'est la façon dont t'arrives à la mettre en avant. Et je trouve que tu montres vraiment bien que elle a quand même un caractère qui est assez exceptionnel dans le sens rare, quoi, parce que effectivement. Des joueurs et joueuses qui ont vécu ce qu'elle a vécu, il n'y en a pas tant que ça, mais surtout ceux qui reviennent après, c'est vraiment très très rare. Mais à la fois, et c'est ce qui m'avait frappé aussi, nous on l'avait reçu vite fait pour parler top 12, mais du coup on avait un peu parlé d'elle, c'est qu'à la fois elle a cette force de caractère qui la pousse à revenir à chaque fois, même si, mais à la fois aussi, d'un autre côté, elle n'hésite pas à parler des moments difficiles et elle se confie qui sont dans des trucs vachement perso quand même, qu'elle raconte qu'elle était en dépression. Elle est même très émue dans le documentaire, mais elle raconte qu'elle pleurait tous les jours, etc. Donc, ce que j'ai particulièrement bien aimé, c'est cet entre-deux, entre le fait de « ouais, je lâche pas », mais elle n'est pas en mode « ouais, faut toujours les blessures, ça sert juste à se relever, à revenir plus fort », et elle ne nous sort pas les banalités habituelles, quoi. Elle dit « bah non, ça a été très difficile, mais je vais revenir quand même ». Donc, c'est pas une question, mais c'est ce que j'ai particulièrement bien aimé, en tout cas. Ben si je peux rebondir, merci beaucoup. Mais du coup si je peux rebondir par rapport à ça, en fait je pense que c'est beaucoup la deuxième blessure, parce que au moment où je fais il y a un tout petit passage en tout début de vidéo où elle raconte comment elle s'est pété son premier genou, où c'était une interview qui a été réalisée au CERS, et cette interview là Clairement, à ce moment-là, c'est je vais revenir, tout va, enfin, je vais revenir plus fort, ça va hyper bien se passer, etc. Et elle en parle un peu dans le docu. Et je pense que la deuxième blessure a fait un vrai switch dans sa tête et elle s'est dit, en fait, c'était rien à côté de ce que je suis en train de vivre là. Et je pense que du coup, tout ce recul-là de dire, je me concentre sur ce que je ressens, voilà ce que je ressens, le dire, l'évoquer, etc. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup... La deuxième blessure a beaucoup, entre guillemets, aidé, parce que ça aide pas, mais ça a beaucoup aidé à cette prise de recul-là et à se dire, ok, en fait, je comprends ce que je ressens, je me concentre là-dessus, et c'est pas un problème de dire ce que tu ressens et de dire que ça va pas, etc. Et je pense que ça, ouais, la deuxième blessure a énormément aidé, parce que j'ai vu une énorme différence entre les deux. Entre l'aléa avant la deuxième blessure et l'aléa après, il y a eu un changement qui est immense. Ouais, mais en tout cas c'est impressionnant. On a Carolina Marin qui est quasiment dans le même cas, qui s'est fait les mêmes blessures et qui va aussi au moment où on se parle, qui est toujours en train de bosser pour revenir. Et en tout cas moi ça m'impressionne de fou parce qu'effectivement les croisés à quel que soit le niveau. Malheureusement Benoît est mieux placé que moi pour en parler, mais c'est toujours la blessure qui fait peur. Benoît, je sais que t'as kiffé le doc aussi, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Très vite fait, mais surtout enfin très vite fait parce qu'aussi t'as fait un live Twitch avec Léa Palermo pour en parler, on discutera de ce format là juste après, mais en fait moi c'est pas la... Alors je sais pas si tu voudras dire le nom de l'ancien média, mais je te laisserai le faire si tu veux le faire. Mais moi, je me souviens que la première vraie vidéo reportage interview dans laquelle je t'ai découverte, c'était Yael Oyo. Peut-être que certains se diront « Ah, mais punaise, j'ai vu passer cette vidéo. » Il y a eu celle-là, il y a eu celle de Mathieu Thomas. À chaque fois, en fait, il y a un truc qui revient. Déjà, c'est ce format un peu plus atemporel, donc qui se perd pas vraiment dans le temps, même si évidemment, ça parle d'un truc à l'instant T, mais ça parle d'une histoire qui peut se regarder aujourd'hui. Ça aussi, ça met en valeur ce que tu disais, c'est que Léa Palermo, ça s'est fait feeling. Et moi, c'est des trucs que j'avais ressenti aussi dans tes formats avec Mathieu Thomas et Yael Oyo, dans la façon dont tu leur poses les questions, dans la façon dont ça se déroule. Ce truc de, je sors pas 150 interviews, c'est juste, il y a eu ce feeling, ça a bien marché, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Et troisième truc, après, je te laisse réagir, mais parce que ce que t'as dit me soulève plein d'idées et de trucs auxquels je pense. Mais je trouve aussi que, je te l'ai dit des dizaines de fois, j'adore ce que tu filmes et comment tu le filmes, mais c'est Merci. Ce que tu disais tout à l'heure qui est hyper intéressant, le fond et pas que la forme. Et dans ces trois docus, donc Mathieu Thomas, il y a Yael Oyo et là à Palermo, il y a d'autres formats évidemment, mais je trouve que dans ces formats-là, évidemment, il y a la forme, tu sais faire, on sait, mais moi je trouve surtout qu'il y a le fond en fait. Bah en fait c'est ça, c'est le on sait. Tu vois, tu viens de le dire. En fait, c'est comme si tu disais à un journaliste « Waouh, t'as posé des bonnes questions. » Ouais, mais c'est oui, son c'est taf. Ça. Tu vois, ouais. c'est mon taf. C'est pour ça que je bosse là-dedans. Ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. Et du coup, je suis pas en mode « Ouais, je sais, je fais des super vidéos. » Mais je suis en mode « En fait, heureusement, tu vois. » Enfin, quelque je part, heureusement, ouais, je sais faire. C'est mon boulot et c'est trop cool. Mais en même temps, j'ai bossé des années pour réussir à faire ça et du coup, je suis trop content. C'est comme si tu disais à un joueur pro, Pnez, ton slice, il est hyper beau. Bah ouais, mais parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'il fait des slices. Et donc, à un moment donné, il sait le faire, tu vois. Et c'est entre guillemets normal et heureusement. Et c'est toujours un compliment qui est à prendre, évidemment. Mais c'est vrai qu'on sait que tu sais faire. Maintenant, montre autre chose. Tu parlais de vidéos ambitieuses, Ewan, et c'est exactement ça. En fait, pendant tout le docu de Léa Palermo, en fait, dans toutes mes vidéos, il y a des moments où je me dis « Oh, j'ai la flemme de pousser ce truc encore plus loin, d'aller chercher la petite bête, de faire encore mieux, de... Viens, je mets ce plan-là, en vrai, il est pas si mal, etc. » Et pendant tout le docu de Léa, je me dis « Non, je veux pas faire un truc où je suis suffisant. Je veux vraiment pousser au max tous les curseurs que je peux pousser au max du max. Je vais essayer de les pousser au max du max. » Et pour ça, en fait, sur toutes les autres vidéos avec Mathieu ou avec Yael, qui sont effectivement sorties quelques années avant, je pense qu'il y avait toujours ce truc de « j'aurais pu faire un peu mieux ». Et évidemment, on peut toujours faire mieux, ça c'est évident, mais je pense que la vidéo de Léa aujourd'hui, on est quasiment sur ce que je peux faire de mieux à l'heure actuelle. évidemment, dans 5 ans, ça aura changé. Mais c'est ce que je veux faire et ce que je peux faire de mieux à l'heure actuelle. C'est ce truc-là de dire le fond. J'ai passé des semaines à l'écrire, à réécouter les interviews, etc. Mon mois d'août a servi à ça. Entre deux compétitions des JO, du para, etc. J'étais que sur cette vidéo-là. Je me disais, attends, mais ça, comment je peux changer, etc. Et 3 semaines avant, je rechange des trucs. 3 semaines avant la sortie, je rechange encore des trucs. Parce que je me dis, mais attends, la présentation, à la base, la présentation de Julien, par exemple, pour donner un exemple, de Julien et de son prépa physique Enguerrand, elle était en plein milieu de la vidéo. Et en fait, ça allait pas parce qu'on les voyait, mais enfin, tu vois, c'est des trucs où, dans le format, j'ai changé des trucs, ouais, 3 semaines avant, parce que je me suis dit, mais non. Et en fait, ce truc-là, je pense que je l'aurais pas fait si j'avais pas mûri le truc encore plus et si j'avais pas pris ce temps-là. Donc oui, ça a pris énormément de temps. Et c'est pour ça que ce genre de vidéo, il y en a rarement. Déjà parce qu'il y a le feeling, effectivement, comme tu disais, mais aussi parce que ça prend énormément de temps et que ça a pour moi besoin d'être mûri. Le tome de 2022 qui va au CERS, c'est pas du tout le tome de 2024 qui sort la vidéo. Vraiment pas du tout. C'est complètement différent. Déjà, il y a eu le bombadiste entre temps, donc je suis capable aujourd'hui d'apparaître devant la caméra et de raconter l'histoire de Léa. Et ça, ça change déjà beaucoup de choses. Et après, ouais, il y a eu tout ce truc-là de besoin de mûrir et de laisser l'idée venir et de laisser le documentaire, l'écriture, etc. venir aussi, quoi. Du coup, maintenant qu'il est sorti, il y a quand même un peu... Il y a quelques mois maintenant, est-ce que tu veux le refaire? Est-ce que tu dis, comme tu viens de le dire, que ça m'a pris beaucoup de temps, j'attends, je sais pas, des années avant de le refaire? Est-ce que ça t'a donné envie de t'y remettre? Ou alors est-ce que tu te poses pas vraiment la question et tu te dis, quand j'aurai l'idée, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le sujet? Vous posez des très bonnes questions. C'est parce qu'on s'est entraîné, ça fait des années qu'on le fait, c'est comme toi qui fais les vidéos. C'est ça, exactement, c'est pour ça que je disais ça. Parfait, très belle réponse. Non, franchement, c'est une très très bonne question. J'adorerais, vraiment, mais là on va évoquer un autre sujet, c'est le financement. C'est qu'aujourd'hui, je suis, entre guillemets, 100% perdant sur un format comme ça, dans le sens où je vais énormément investir, et pour moi c'est un investissement, et le docu de Léa c'était un investissement, et c'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est là j'investis dans un truc pour dire regardez ce que je sais faire, si ça vous intéresse, on se trouve un budget et on le fait. Et c'était vraiment l'idée, parce que en fait, tes premiers projets, t'es obligé un peu de faire ça. Si demain tu vas voir une marque et tu leur dis, et c'est ce que j'ai essayé de faire, tu leur dis, regardez, je vais faire un documentaire, ok, qu'est-ce que t'as déjà fait? Ah bah j'en ai pas encore fait, c'est le premier. Ah bah ouais, mais du coup non, parce qu'on sait pas ce que tu peux faire, on va pas investir sur toi alors qu'on sait pas. Et c'est un problème, mais en réalité c'est vrai, tu peux pas faire autrement. Donc je voulais vraiment être capable de proposer quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup beaucoup dans une... Avant je l'étais pas du tout, il y a eu un vrai changement par rapport à ça, mais je suis beaucoup beaucoup dans une vibe de contenu court. Parce qu'en fait, le contenu court, même si tu le pousses au max, franchement, c'est 2 jours de montage, tu vois. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, ça fait plus de vues, ça peut être plus viral. Enfin, tu sais, t'as tout un truc de, en fait, tu pousses pas le sujet au max parce que c'est un contenu court, que ça dure 2 minutes. Mais par contre, ça marchera toujours mieux. Je fais tellement plus de vues sur mes contenus courts que sur le docu. Et c'est horrible parce que du coup ça te pousse à faire du contenu court, à faire que ça et rester en surface et à pas pousser le truc. Donc j'ai envie de le faire, mais comme tu l'as dit et je trouve que c'est hyper intéressant, je pense que l'idée viendra d'elle-même, tu vois. Évidemment j'ai des idées, j'ai envie de le refaire, etc. Mais je pense vraiment qu'à un moment je vais me dire, ah ok, là j'ai un sujet et let's go, et que du coup je le ferai comme ça. Ça sera une opportunité, quoi. Ouais, c'est ça, bah comme pour Léa au final, tu vois, c'est comme ouais, ça que c'est venu aussi. C'est, je me suis dit, j'ai envie de parler de la blessure du sportif de haut niveau, j'ai un sujet, let's go. Mais ça a mis 4 ans, ouais. Ça a mis 4 ans, 3 ans, 4 ans. C'est marrant que tu parles, que tu sois parti sur le volet financier, parce que ça fait un lien parfait avec la question que je voulais te poser ensuite. Alors que je connais pas la question à l'avance, c'est beau. Voilà, il faut le préciser, t'as raison. Un peu de la fiction, j'arrive et je te dis, je te finance ta prochaine vidéo ou série de vidéos, un reportage, je te donne un budget illimité. Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi ton projet de rêve en fait? Oh, c'est tellement dur. En vrai, il y en a un que je veux faire depuis deux Olympiades et qui serait vraiment bien. C'est un suivi de joueurs de 6 mois avant jusqu'au JO. Ouais, prépa JO plus JO, quoi. Bah ouais. Franchement, ce serait trop bien. Parce que les JO, aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, c'est la compétition. Dans le badminton, c'est la compétition la plus importante. T'as les championnats du monde, etc. Ouais, mais ça revient tous les ans. Les JO, c'est tous les 4 ans. Et là, on l'a vu, tu vois, avec... c'est un super exemple, je pense, avec tous les retraités, au final, tu vois, qui ont pris leur retraite après les JO et qui ont dit, bah en fait, là, c'est fini. Il n'y a plus la course aux JO, donc moi, je m'arrête. Parce que j'ai cet âge-là, parce que j'estime que j'ai fait ma vie dans le badminton, je veux faire autre chose, etc. Mais tant qu'il y a les JO, tant que tu te dis, bah en fait, dans 4 ans, je veux aller aux JO, bah tu t'arrêteras pas, en fait. Parce que y a ce truc-là et que c'est trop important. Donc, je pense que ce serait ça. Et ce serait, ouais, de faire... Mais par contre, ce serait... Pour moi, vraiment, le projet de rêve où j'ai genre budget illimité, c'est une série, quoi. C'est une série où on suit vraiment. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une série sur France Télé comme ça, où ils vont à l'INSEP et tout. Et il y a eu un format sur le badge, je crois. Et ils découvrent plusieurs sports, tu sais. Je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Ils font sur plusieurs sports, mais ça c'est trop intéressant. Enfin, une série comme ça avec plusieurs épisodes où une fois par mois tu vas à l'INSEP et tu fais des trucs avec les joueurs et tout, avec les athlètes, ce serait trop cool, quoi. Et de voir leur préparation, que ce soit, mais sur tous les aspects, tu vois, préparation mentale, préparation physique, préparation pure badminton, qu'est-ce qu'ils mangent à côté, comment ça se passe, on arrive à 3 mois, est-ce que t'arrives toujours à dormir, est-ce que t'es hyper, enfin, tu vois, un truc où vraiment, au-delà du budget. Ce qui s'est passé avec Léa, si on dépasse un peu ce truc-là de budget, c'est qu'il y a eu une vraie connexion entre nous deux aussi, que j'aurais peut-être jamais avec personne. Et ce truc-là, ça se voit, tout le monde m'a dit, mais vous avez un vrai truc. À la fin de l'interview, on se fait un câlin qui dure 30 secondes, tu vois. Parce qu'il y a eu ce truc de... En fait, j'ai ce que t'as vécu, mais je l'ai vécu. Je l'ai pas vécu, évidemment. Mais je l'ai vécu avec toi, au travers de toi. Et ça, c'est énorme. Et aujourd'hui, je pense, et c'est ce que j'ai toujours dit, elle sait ce qu'elle me doit, mais qu'est-ce que je lui dois ? Enfin, c'est ouf, tu vois. Ça a été un vrai échange, en fait. Et le fait, je pense, qu'il n'y ait pas de financier, a apporté ce truc-là aussi, de dire, en fait, c'est du donnant-donnant. Il n'y a pas d'argent dans l'histoire, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Non, parce qu'en fait, elle a pas payé, donc en fait, elle n'a pas d'attente. Tu vois, ce sera toujours du plus. Là où forcément, s'il y a du financier, bah, t'as des attentes derrière. T'as des mecs qui ont investi sur toi et t'as intérêt à pas te planter, tu vois. Donc, il y a ce truc-là aussi de, je pense, de feeling et de relation que j'ai eu avec Léa, que j'aurais peut-être jamais. Et où elle m'a évoqué, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des trucs de dingue. Et c'est là où t'as les 4 ans de travail, en fait. C'est que, certes, la vidéo, en 3 mois, elle aurait pu être tournée. Mais j'aurais jamais eu cette relation-là avec Léa, quoi. Moi, je pense que c'est une belle façon de finir sur cette partie qui était un peu plus où on parlait de toi et de ce que tu produisais. Dieu dit, Adam... Éclate-moi ! Et du coup, on va passer à une troisième et dernière partie qui parle toujours de ton métier, Tom, mais peut-être moins de... du bombadiste et de ce que tu produis. Tu nous as dit tout à l'heure ce que tu consommais comme format, comme contenu hors bad. Nous, il y a un truc d'ailleurs qui nous intéresse, c'est est-ce que tu consommes du contenu bad, je sais pas lequel et je sais pas sous quel format, mais est-ce que tu en consommes francophone ou anglophone? Très très peu. Très très peu. C'est honnête. Très très peu parce que... Je pense que il y a eu ce truc quand j'ai débuté le badminton, je regardais énormément, tu vois, je regardais des matchs de Li Chongwei, je regardais plein de trucs et tout. Et en fait, ça s'est un peu essoufflé déjà. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, ma vidéo, elle tourne autour de... Je réalise des vidéos sur le badminton, je parle de badminton, je vis badminton, je monte badminton, je dors badminton, je vais le soir, je m'arrête de bosser, je vais au badminton. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, t'en veux plus, quoi. Et c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment, et j'en ai parlé un peu en live. Et du coup, je l'évoque un peu ici aussi, mais c'est de essayer de diversifier un peu le truc. Parce que moi, mon idée, quand je suis arrivé en 2019 aux IFB, j'ai encore cette image-là. J'arrive et je vois Momota et j'ai des étoiles, mais je pense que c'est des étoiles plus grandes que mes yeux, tu vois. Genre vraiment, c'est énorme pour moi d'être à cet endroit-là, à ce moment-là, et je me dis, ouais, c'est ouf, j'ai réussi, tu vois. ce truc-là, quand je suis arrivé en France, j'ai eu la même chose. Forcément, il y a de l'habitude, etc. Mais je ne veux surtout pas que ça change. C'est-à-dire que je veux toujours arriver sur des événements. Je vais à Orléans la semaine prochaine. Je veux arriver sur le truc et me dire, ok, c'est ouf d'être là. Et juste ça, c'est un kiff de fou, tu vois. Et je veux garder ce truc-là. Et je sais que moi, j'en vois plein qui sont là depuis des années, etc. Et ils se disent, allez, Orléans, on y retourne. Ça fait déjà 3 ans qu'on est là, c'est bon. Et c'est pas qu'ils sont saoulés, mais c'est que c'est l'habitude, tu vois. C'est normal pour eux d'être là. Ouais, bien sûr. Et moi, je veux surtout pas perdre ce truc-là de dire, je veux surtout pas dire, c'est normal que je sois là, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal. C'est fou de être au bord du terrain à côté de Thomas Junior Popov et Christo Popov. Alors, tu peux être en top 12, machin, mais c'est énorme en vrai. C'est énorme d'être à côté d'eux, c'est énorme de tout ça. Et moi, je suis passionné par ces mecs-là à la base. Et aujourd'hui, Léa, c'est une meuf, je la regardais à la télé, tu vois. Et aujourd'hui, de me dire, putain, c'est un truc tout bête, mais j'ai son numéro, tu vois. Genre, je suis en mode, je peux l'appeler et elle va répondre et c'est OK. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là où, en fait, la relation, elle a complètement changé de... Je l'ai regardé à la télé à la base et aujourd'hui, c'est mes potes, tu vois. Et ça, c'est ouf, en vrai. Et faut... Moi, j'essaie toujours d'avoir ce recul-là et de me dire, en fait, la vraie grandeur de ce que je fais, elle est là, tu vois. Et ils savent ce qu'ils me doivent et tout, et je veux surtout pas être blasé, c'est ça. Donc ça, c'est un vrai gros truc. Et du coup, je pense que pour revenir un peu sur la consommation, j'en consomme très peu. Dans le badminton, par contre, je regarde beaucoup de contenu de sport, beaucoup de trucs autour. Là, depuis décembre, honnêtement, j'ai plus du tout le temps de me poser sur des trucs. C'est beaucoup le rush, donc voilà. Mais par contre, ouais, je regarde un peu les résultats, je regarde des trucs. En fait, je suis obligé, tu vois, je suis obligé de regarder les résultats des matchs, etc. Mais ça m'arrive très peu souvent aujourd'hui de me poser devant un match et de me dire, ok, je regarde un match de bad. En fait, c'est vrai que ces derniers temps, avec Benoît, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parle un peu. Je sais qu'il regarde. Effectivement, ça devient de plus en plus compliqué de regarder toute la création de contenu autour du BAD, même autour du BAD français. Avant, moi, dès qu'il y avait un truc qui parlait de BAD et qui était français, je regardais. Mais maintenant, il y a beaucoup de YouTubers qui s'y mettent. Il y a des gens qui filment leurs matchs. Il y a des gens qui font un peu des deux, qui sont à moitié entre le pro et les matchs amateurs. Il y a des gens qui ont de plus en plus de podcasts aussi. Donc c'est dur de tout suivre, mais moi perso je le vois comme un truc positif, c'est-à-dire que on parle de plus en plus du bad en France et aussi à l'international. Toi comment tu le vois, parce que le bon badiste c'est relativement récent, mais t'as pas attendu cette chaîne comme tu nous l'as déjà dit pour créer du contenu autour du bad en France. Est-ce que toi aussi tu le vois un peu comme est-ce que tu vois une sorte de vague un peu positive autour de la création de contenu du bad en France? En vrai, le but, tu vois, à la base, c'est quand même plus on parle de bad et mieux c'est, tu vois. C'est quand même ça l'idée, quoi. Je regarde pas tout, y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs où je me dis, j'ai limite l'impression que ça donne une mauvaise image, ou tu vois, pour être tout à fait honnête. Maintenant, on parle de bad, en fait, et c'est l'idée, quoi. Et si on veut faire grandir ce sport-là et se dire demain... au JO, en fait, c'est plus juste le match de... Ce qui est très bien, hein, mais c'est plus juste le match de Tommy Popov qui est retransmis sur France 2, mais c'est la finale des Jeux Olympiques, tu vois. Et même s'il n'y a pas de Français, en fait, parce que voilà. Et au final, je trouve que le développement du bad français en termes joueurs va passer par là aussi, forcément. Et du coup, c'est trop cool. Et moi, je pense, sans être imbu de ma personne, pouvoir dire que j'ai été un des premiers à créer du contenu par rapport à ça. Maintenant, il y a plein de gens qui créent du contenu de ouf autour du badminton aujourd'hui, où c'est trop cool, etc. Moi, je me suis toujours dit que je suis très compétiteur. Donc ça va être très, très ambivalent ce que je vais dire. C'est trop bien. Par contre, je me suis toujours dit, dans mon créneau, je veux être le meilleur. C'est-à-dire raconter des histoires autour du bad, etc., etc. Je veux être le meilleur, tu vois. Et ça veut pas dire que j'écrase les autres, etc. Non, je rencontre plein de gens qui parlent de badminton. Là, il y a un gars qui m'a dit, il y a 2 semaines, j'ai créé mon contenu, mon compte Insta bad parce que j'ai vu ce que t'as fait et que ça m'a inspiré, et etc. C'est ouf, tu vois. c'est dingue en vrai de se dire ça. Et je pense que j'espère en inspirer d'autres et qu'ils puissent faire des trucs. Mais le projet, c'est d'être toujours le premier. Et ça, je m'en cache pas. Et c'est de toute façon, c'est le but, tu vois. C'est comme pour une entreprise. Le but, c'est de faire de la thune. Moi, mon but, c'est que le média, il soit toujours en haut et qu'il soit toujours parmi les premiers, quoi. Moi, je pense pas que ce soit un truc, malsain de penser comme ça. En tout cas, je veux dire, nous, il y a un podcast qui a existé pendant un temps, même plusieurs. Et au final, ils ont pas duré. Bon, le contenu, on peut en juger, dire ce qu'on veut, mais en tout cas, ils ont pas duré. Et forcément, tu te dis, moi, je suis là, moi, je suis encore là, j'ai duré, mon contenu, il varie, les écoutes, elles montent. Évidemment que, je pense que c'est un positif d'avoir beaucoup de gens qui font la même chose que toi et de se dire, j'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais. Enfin, c'est une émulation positive. C'est comme quand il y a, pour en prendre un exemple très concret dans le bad français, mais nos quatre joueurs de simple, je pense que Arnaud Merclé, quand il se lève le matin, il se dit c'est génial qu'il y ait les frères Popov et Alex Lanier, mais il se dit je veux être le meilleur, et forcément ça tire aussi vers le haut, je pense, d'avoir autant de quand on a commencé, toi comme nous, je suis même sûr qu'on était les premiers dans nos domaines et qu'il n'y avait pas d'autres créateurs de contenu dans le bad ou quasi pas. Aujourd'hui ça a changé, et ça change pas le fait qu'on ait toujours envie de faire plus, mieux et d'être toujours les meilleurs. Et je pense pas que ce soit malsain ou je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, moi je le vois comme quelque chose de positif, et j'espère sincèrement que les gens qui font la même chose que nous visent aussi à être meilleurs que nous, tu vois. De ouf, c'est là où pour moi en tout point la concurrence est ultra, quand elle est saine, et ultra importante. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit dans les marques de badminton, dans les créateurs de contenu, dans quoi que ce soit, il faut de la concurrence. T'es obligé. Parce que sinon, tu restes sur tes acquis, en fait. Tu restes sur tes acquis et tu dis, voilà, j'ai fait ça et puis c'est tout. Et puis, de toute façon, je suis le meilleur et c'est comme ça. Et non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Et je pense que il y en a beaucoup qui vont sombrer ou des choses comme ça s'ils réfléchissent comme ça, tu vois, s'ils pensent comme ça, si de toute façon c'est les meilleurs depuis le début et c'est comme ça, ils seront toujours les meilleurs. Non, parce que la concurrence, quand elle arrive, en fait, on n'est pas prêt, quoi. Si on se dit je suis le meilleur, qu'on se réinvente pas, etc., d'un coup t'en as un qui te dépasse, puis tu te dis ah merde, en fait j'étais pas prêt, quoi. Donc en fait faut être prêt à accueillir de la concurrence, etc., et je trouve ça trop cool. Et c'est rigolo parce que t'as toujours ce truc là dans les photographes, les vidéastes et tout, t'as toujours ce truc un peu malsain, tu vois, de dire je vais pas le suivre parce que c'est de la concurrence et tout, mais en vrai suis-le, donne-lui de la force, c'est trop bien, enfin tu vois, si tu parles de lui, il va parler de toi et ce serait trop cool, et voilà, tu vois. Et donc franchement il y a ce truc de je veux être le premier et je veux faire ça et tout. Et en même temps, quand tu connais les gens... Enfin, en fait, au final, on n'a jamais été concurrents, parce qu'on n'a jamais voulu l'être, etc. Je pense 21 Shuttle et le Bombadiste, ou même Creative Badminton, Creative Sport avant, qui était du coup le nom du média avant. On n'a jamais été en concurrence, etc., parce que c'était pas le but. Et au final, moi, je trouve ça trop bien d'être là, on crée du contenu ensemble, et ça, c'est trop cool, quoi. Enfin, franchement, je trouve ça top, parce que ça va vous apporter à vous, ça va m'apporter à moi, ça va apporter aux gens, et c'est ça le principal. Donc, la concurrence, elle est importante, mais elle doit être complètement saine, en fait. On doit se dire, ok, ouais, c'est de la concurrence, ça. C'est normal, c'est ok. Et du coup, se réinventer, se pousser à faire des trucs, etc., etc., sans forcément... moi, je te dis, je regarde très peu de contenu. Mais juste le fait de savoir qu'il y a des mecs qui sont à 20K aujourd'hui. Tu vois, Antoine Badak, aujourd'hui, il a 20 000 sur Insta. 20 000 personnes qui le suivent sur Insta, sur du badminton pur. C'est énorme. C'est juste énorme. Moi, je suis à 3 000 et je suis déjà trop content, tu vois. Et de me dire... Moi, mon but, c'est de le rattraper, tu vois. Et on fait pas du tout le même contenu, on n'est pas du tout sur le même créneau, le but c'est vraiment pas de faire la même chose et tout ça. Par contre mon but, ouais, c'est de le rattraper et d'être capable un jour de faire une vidéo avec lui et de dire on a le même nombre d'abonnés, tu vois. Ça ce serait trop cool. Là on parlait de créateurs de contenu donc un peu plus, on va dire, privés si je puis dire, mais il y a un peu ce truc dans le badminton qu'il n'y a pas forcément dans d'autres sports, c'est qu'on essaye un peu tous de vrai à notre échelle, hein, pour aussi la popularité de notre sport qui est, évidemment, on va pas se le cacher, en France largement minime. Est-ce que tu penses que ce soit par exemple la FF Bad ou la BWF, notamment, tu vois, les gros organismes, Badminton Europe, je peux les citer aussi, est-ce que tu trouves qu'ils font assez de choses pour la popularité de notre sport, ou est-ce que, évidemment, pour eux, il y a le critère financier, et c'est le principal qui entre en compte, ou est-ce que des fois, tu te dis, ah, ces gros organismes-là, ils pourraient faire des choses, pas forcément très chères, mais pour un peu mettre leurs joueurs, joueuses en avant, leurs compétitions en avant, est-ce que des fois, ça te frustre de constater ça ? Je vais vraiment pas me faire des amis dans ce podcast, mais... Ici, on n'est pas comme ça. On n'a aucun pote. Tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours faire plus. Moi, pour avoir bossé quelques années avec la Fédé, ils font... je sais pas si un jour je me dirai, ils font assez. Tu vois, c'est ce truc-là où en fait, tu peux toujours faire plus. Maintenant, moi, quand j'ai découvert la chaîne BWF TV, je trouve ça assez ouf ce qu'ils font quand même. En termes de contenu pur, tu prends sur un tournoi, etc., le nombre de contenus qui sortent par jour, ils font du direct, alors plus ou moins disponible parce que droit télé, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent « Ouais, Orléans, c'est même pas sur la BWF TV. » Bah ouais, mais en fait, il y a des droits télé derrière et ça, malheureusement, tu peux pas trop y couper. Mais par contre, ouais, si, ils font quand même énormément de choses, tu vois, au niveau mondial. Ouais, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le badminton. Badminton Europe... je pense que le jour où ils auront une plateforme qui fonctionnera, ça ira mieux. Voilà, un site qui date pas de 2005. Voilà, je leur tire un peu dessus, mais honnêtement, tu veux regarder une vidéo, ça marche même pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs où en fait ça décourage de ouf, quoi. Alors qu'avant, ils étaient sur YouTube, mais c'était parfait. Ils faisaient un live sur YouTube, on n'avait pas besoin d'aller sur leur site, pas besoin de s'inscrire avec notre Facebook, machin. C'était très bien, il n'y avait pas de, soucis. Alors j'imagine que pour eux, ils sont gagnants, enfin, à faire comme ça. Mais faites juste un truc qui marche, en fait. Arrêtez d'utiliser Dailymotion et faites un truc qui marche. Donc voilà, et je le retire dessus, c'est ouf. Et ouais, mais t'as totalement raison. Enfin, on pense la même chose ici. Donc. Ouais, mais c'est voilà. Et en fait, on en revient pour moi à de la concurrence. C'est prenez les remarques et faites-en quelque chose. Ça, je suis pas juste là pour vous tirer dessus et c'est tout, tu vois. L'idée, c'est aussi, on est utilisateur, etc. Moi, il y a des moments, j'ai envie de regarder les compétitions par équipe des jeunes et tout. Je vais sur Badminton Europe, je mets 10 minutes à regarder une compétition. Bah, franchement, heureusement que j'aime bien le badminton, parce que si juste je vois une publication badminton, je vais sur Badminton Europe et je dois mettre 10 minutes pour regarder la compétition, bah, au bout de 2 minutes, j'ai quitté. C'est fini, c'est mort. Il y a trop de friction, en fait. Trop de friction pour regarder des trucs en direct sur Badminton Europe et tout ça. Et après, je pense que, en fait, plus tu baisses en budget, moins il y a de choses. Et c'est logique. Mais tu vois, la BWF, je pense qu'ils ont un budget colossal. Je sais absolument pas à combien ça peut être, etc. Mais quand tu vois que tous les tournois sont retransmis en direct, avec plusieurs caméras, etc., etc., c'est assez énorme en termes de budget. Pour avoir travaillé là-dedans pendant mes études, on est sur des budgets énormes. Et c'est pas tous les sports qui peuvent faire ça. Plus tu descends enfin tu vois, t'es sur du mondial, après tu passes sur de l'Europe, il y a encore un peu moins de budget, et puis sur du local France, il y a zéro budget, tu vois. Donc en fait, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Évidemment, il y aurait beaucoup mieux à faire, il y aurait beaucoup plus de choses à faire. Rien que de bosser avec des médias comme nous, je pense que ça... Enfin, après, ça fait très... Je me mets dans la boucle, etc. Mais peu importe, en fait. Peu importe avec quel média ils bosseraient, mais juste mettez-vous au goût du jour et bossez avec des gens qui s'y connaissent et qui sont là-dedans et qui bossent là-dedans, etc., quoi. Parce que c'est trop important, en fait. Trop, trop important de aujourd'hui bosser avec des indépendants, des médias, des trucs... C'est trop important pour que ton sport y marche. Dans le tennis, c'est ce qui a fait que partout, en fait. Et moi, je reviendrai quand même sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de joueurs qui créent du contenu. Je sais pas si vous avez prévu un truc là-dessus. Carrément. Mais c'est génial, en fait. Les premiers créateurs de contenu, ça devrait être eux. Et tu vois, j'ai reçu, tu voulais parler des lives, j'ai reçu Thibaut Gardon en live. Le gars, son premier objectif, c'est certes être le meilleur dans le badminton, mais c'est de pouvoir partir avec son équipe de créateurs de contenu derrière lui, que ce soit photographe, vidéaste, machin, etc. Le mec, il a 17 ans, il pense déjà à ça. Tu te dis, c'est génial parce que ça change vraiment, et tu te dis, le gars, il va y arriver, en fait. Il va y arriver parce que avec la communauté qu'il a derrière, il peut trouver du sponsoring, il peut trouver du financier, etc., pour payer toute une équipe qui vient avec lui. Aujourd'hui, les pop-up l'ont fait, et les pop-up ont révolutionné quelque chose là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, bon, certes, c'est de l'alternance, etc. Et tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours avoir plus d'équipes et tout. Mais aujourd'hui, les pop-up, ils arrivent au championnat de France, ils ont un kiné, un préparateur physique. Alors ça, c'est pas les alternants. Un alternant en communication qui gère tout le compte. Antoine, si tu passes par là, dédicace, parce que clairement, tu fais un boulot de ouf. Et tout ça, bah, en fait, ça, ils ont révolutionné par rapport à ça, tu vois. Mais les premiers créateurs de contenu devraient être les joueurs, en fait. Et Léonis, elle commence à s'y mettre, là, je sais pas si vous avez vu. Elle a fait des trucs aux Europes et tout. Et c'est génial, c'est trop cool. C'est mal fait, c'est pas beau, c'est pas bien filmé, c'est pas bien... On s'en fout, en fait, on s'en fout. Parce que c'est pas son taf. Et j'ai discuté un peu avec elle, je lui dis, ça va, tu galères pas trop et tout. Elle me dit, mec, je mets des journées à sortir les vidéos, c'est horrible. Mais en fait, elle le fait, et c'est trop bien. Et on a Roman Clotofouco qui fait beaucoup de choses aussi, etc., etc. Et c'est comme ça que ça va, c'est comme ça que ça va marcher, en fait. C'est que plus il y aura de joueurs aussi qui vont en parler, qui vont créer du contenu. Et c'est pas du contenu en mode on paye. Enfin, en fait, moi là où je vois la limite par rapport à la Team Popov, c'est que c'est quelqu'un d'extérieur qui crée le contenu. Et du coup, ouais, t'as moins ce truc organique de on parle à la caméra, c'est nous qui faisons le contenu, etc., etc. Ce qui serait mais énorme. Si demain Tommy il prend son téléphone, il fait une story en parlant à son téléphone, mais c'est énorme, tu vois, ça buzz, c'est évident. C'est sûr, parce que c'est lui. C'est vraiment lui qui prend l'initiative de faire le truc, etc., etc. Et c'est trop bien. Et c'est là où je vois un peu la limite, et où je vois une Roman Clotofouco qui prend son téléphone, qui fait une story et tout, bah c'est elle qui parle, il n'y a que elle. Et même si elle est drivée derrière, en fait, on s'en rend même pas compte, et c'est trop bien, tu vois. Donc c'est là la limite, pour moi. T'as soulevé pas mal de sujets, Roman Clotofouco et Quentin Rangé, qu'on a contacté, s'ils passent par là aussi, je pense que dans quelques mois, il y aura des épisodes avec eux à ce sujet-là. Et en fait, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que t'as cité le foot ou le tennis, c'est des sports ultra médiatisés par rapport au bad, peut-être les plus médiatisés pour nous en Europe. On suit peut-être des comptes Insta de joueurs ou joueuses, alors que leur contenu en termes de qualité vidéo il est pas ouf, mais tu l'as dit, on les voit à eux, et ça change pas mal de choses. On s'identifie, on les regarde, ah t'as vu, ah il a fait ça, il a posté ça. Et en fait aujourd'hui les sportifs de haut niveau, on peut dire ce qu'on veut, mais dans le monde dans lequel on vit, ils doivent aussi être des créateurs de contenu pour se mettre en avant et pour mettre en avant leur sport. Je pense que c'est un truc qui est en train d'être assimilé chez les joueurs pro de bad, en tout cas dans la génération qui a notre âge. Je pense que c'est un sujet, et il y a aussi l'autre sujet que tu as mentionné et avec lequel je suis d'accord à 1000%, c'est qu'aujourd'hui on le voit dans le foot, on le voit dans le tennis, qui sont des sports ultra médiatisés et je pense desquels on doit s'inspirer dans le bad, c'est que il y a eu des partenariats avec des médias, je pense à des médias, des petits médias de foot, enfin des petits qui sont plus petits, mais qui font des vidéos YouTube, des clubs qui sont allés les chercher, les ligues qui sont allés faire des partenariats avec eux. Pareil dans le tennis, où t'as des youtubeurs ou en tout cas vidéastes ou créateurs de contenu qui sont intervenus sur des gros tournois, type Roland Garros et tout. Mmh. Il y a eu ces efforts des grandes instances qui sont allés chercher des mecs qui savaient faire. Et aujourd'hui, dans le bad, il y a ce changement qui doit encore arriver, je pense. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, on a moins de thunes, je pense, dans le bad que dans d'autres sports aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faire avec ce qu'il y a déjà. Et il y a ce truc de... on n'a pas encore fait le lien, je trouve, entre les instances et les créateurs de contenu. Je parle pas forcément de nous, mais je parle de tous les gens qui créent du contenu. Ça peut être toi, ça peut être nous, ça peut être d'autres podcasts. Mais je pense qu'il y a encore ce truc à faire. Et comme quand on n'a pas d'argent, ou peu d'argent, il faut aller savoir faire, je trouve. Et il y a encore ce truc à aller chercher. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, moi, je dis toujours que l'argent est... Enfin, en fait, avec l'argent que tu fais, tu peux toujours. Tu vois, je vais te donner un exemple. Alors, je sais même pas si forcément j'ai le droit d'en parler. Je demanderai et puis vous le mettrez si je peux en parler. Mais aujourd'hui, j'ai une ligue qui m'a contacté parce qu'ils font un tournoi international jeune. Et ils m'ont contacté, etc. sur Insta. Ils m'envoient un message. Ils me disent, est-ce que t'es dispo pour une visio, etc. Je fais la visio. Début de visio, ils me disent, on veut travailler avec toi. On veut travailler avec toi parce qu'on adore ton contenu, on veut que tu sois là, on veut mettre en avant notre tournoi. Notre tournoi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on veut bosser avec toi. À moi, à la fin de la visio, je leur dis, je vous fais un devis, mon budget sera celui-là. Maintenant, si vous n'avez pas le budget, on essaye de se démerder. Je reste en studio chez moi, je me fais un truc, machin, je parle de votre tournoi, on essaye, on fait des trucs, on fait des collabs, on fait... Voilà, et on se débrouille en fait. On se débrouille, on essaye de trouver des trucs. Vous n'avez pas les frais de déplacement. Ok, je me déplace pas. C'est chiant, c'est dommage. Mais en fait, on peut faire des trucs. On peut faire plein de choses. Aujourd'hui, tu n'as pas de budget, tu peux quand même faire plein de choses. Et pour moi, c'est une limite qui est limite, enfin qui est quasiment pas une limite en fait, parce que tu peux toujours faire des trucs, toujours. Bien sûr, c'est mieux si t'as du budget, tu peux faire plus de choses, tu peux évidemment, mais en fait, tu peux toujours trouver des formats qui fonctionnent. Alors pas avec zéro, mais tu vois, aujourd'hui t'as 200 balles pour une ligue, c'est quand même, je pense, pas énorme. Même pour un club, c'est pas forcément énorme. Ouais, même pour 200 club. Balles, tu peux faire des trucs. Tu peux vraiment faire des trucs. Mais et surtout, en fait, ce qu'il faut réussir à changer, et qui a pour l'instant, j'ai pas du tout changé dans le badminton, qui a changé dans d'autres sports, c'est parce que, enfin, faut pas réfléchir à ce que tu payes. C'est un investissement sur un truc que tu vas récupérer. Il faut réfléchir par rapport à ce que tu peux récupérer. C'est-à-dire que demain, je vais être très honnête, quand je vais sur un tournoi, je reçois plein de messages. T'as le lien de la billetterie, comment on fait pour venir, etc., etc. Sur les France, j'ai reçu 5 messages en mode c'est où, est-ce qu'on peut venir, comment on fait, c'est où pour prendre les billets, etc., etc. Donc en fait, demain, t'as le bombadiste qui va sur un tournoi comme ça. Bah, t'as des recettes derrière, alors qu'ils sont peut-être pas à la hauteur de ce que je coûte, mais pour l'instant, tu vois. Et en même temps, bah, ça leur permet d'avoir plein de trucs. Aujourd'hui, le contrat avec Victor, ils ont investi un vrai truc avec moi et avec Le Bombadiste plus, qui est aussi un truc de on veut se développer, donc on va investir dans quelqu'un qui est capable de nous apporter du développement. Et au final, je pense que ça fonctionne pas trop mal, tu vois. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, je parle de moi parce que c'est mon expérience, mais l'idée, c'est ouais, pas forcément sûr. Parler que moi, mais s'ils investissent, derrière, ils auront forcément des retombées, en fait. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça que c'est réfléchi dans le foot. C'est comme ça que c'est... Quand Uber Eats, ils font une pub avec Antoine Griezmann, ils se disent pas, putain, ça va nous coûter ça. Ils se disent, ça va nous rapporter ça. Et bah, en fait, une fois que t'as changé ton fusil d'épaule comme ça... Bah, ça change tout, quoi. Et aujourd'hui, dans le badminton, parce que c'est un sport qui est encore jeune et qui est encore sur un modèle économique relativement vieux, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas de sous, ben, en fait, c'est super compliqué pour eux de réfléchir comme ça. Et ça part des instances, ça part de tout, des joueurs, de tout. Tout. Le jour où un joueur prend un community manager et dit en fait, je veux que tu gères mon réseau, ben, c'est trop bien. Aujourd'hui, t'as des joueurs top France que je ne citerai pas, qui ne postent absolument rien sur leur réseau, qui ne savent pas faire, etc., qui auraient les sous, je pense, pour prendre quelqu'un. Mais prenez quelqu'un, vraiment. C'est trop important, parce que derrière, des Tommy, des Christo, mais ils gagnent des thunes grâce à leur Insta, parce qu'ils ont 100 000 personnes et que demain, une marque les contacte. S'ils disent oui, ils disent oui, c'est autant, c'est tel prix. Et en fait, c'est une source de revenus derrière. Alors, c'est un investissement, certes, en temps, etc., au début, et peut-être en sous, etc., mais je suis sûr que Roman, elle fait des thunes avec son TikTok. C'est évident, parce que y a trop de trucs intéressants. Léonis, elle a pris, je sais plus, 800 personnes en deux jours. 800 follow en deux jours. Juste parce qu'elle parle des Europes, de l'intérieur des Europes, qui sont en plus même pas la compétition la plus... Enfin, je veux dire, honnêtement... La compétition, elle n'a pas été très suivie, tu vois. Elle n'a pas été très suivie. Elle n'est pas la compétition la plus intéressante, etc. Mais si elle fait ça à Orléans, mais ça va exploser, c'est évident. Parce que c'est ce qu'on veut voir, en fait. Et c'est un des contenus, d'ailleurs, que je regarde parce que c'est ce qui m'intéresse. De voir aussi ce qu'il y a en dehors du terrain. Quand elle se fait masser par son kiné parce qu'elle a mal à l'ischio, mais vas-y, montre-nous, c'est trop bien, tu vois. Ah, mais carrément. Mais c'est ça, en fait. Les sportifs de haut niveau sont créateurs de contenu. C'est ce qu'on se disait. Dans d'autres sports, ça y est, c'est assimilé. Aujourd'hui, dans le bad, c'est en train de l'être. Ça l'est sur la génération qui a notre âge, ça l'est pas du tout sur celle qui est plus âgée que nous, et ça le sera sur celle qui a aujourd'hui 18-20 ans, tu vois. Mais tellement plus fort. Mais c'est vrai qu'il y a tellement plus fort sur la génération qui arrive. Ouais, voilà, c'est ça. On est en pleine transition sur tous ces sujets-là. Et c'est pareil, tu l'as dit, mais la façon dont le BAD, le système BAD, le système argent dans le BAD est actuellement, aujourd'hui des fédérations ou des instances nationales, internationales qui filment leur propre contenu, qui diffusent leur propre contenu, il y en a quasiment plus. On parle du foot, mais au foot, on est au stade des droits TV qui sont encore minimaux BAD, et tout ça, effectivement, ça doit se structurer et ça doit évoluer. La BWF, dans 15 ans, je lui souhaite de ne plus rien diffuser parce qu'elle aura vendu tous ses droits télé dans le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est clair. Mais je te reprends l'exemple de Thibaut Gardon. Quand je dis que ça va que la génération qui arrive va être énorme, c'est que ouais, des Thibaut Gardon, il y en a plein en fait, il y en a plein qui, pour le coup, c'est vrai, on dit les dangers de TikTok, c'est hyper dangereux, machin. Ouais, mais en fait, ils sont suffisamment intelligents, suffisamment grands pour, en tout cas cette génération-là, je parle pas de en dessous, mais les jeunes de 17-18 ans aujourd'hui, certes, ils passent beaucoup trop de temps sur TikTok, déjà, ils en sont conscients, et je pense que voilà. Bon, là, je dénonce, hein. Mais, mais en vrai, ils sont aussi hyper conscients que bah, en fait, c'est aussi un truc qui peut leur rapporter énormément, que ce soit en termes de sponsors, en termes de tout, en fait. C'est énorme. Et ça peut vraiment rapporter et ça peut permettre de faire plein, plein de choses. Et ben, on va pouvoir conclure. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Tom, une petite dernière question. Alors, on va sortir cette interview un peu après l'avoir enregistré, donc tu vas devoir te projeter un peu, mais c'est quoi tes prochains projets? Alors là, tu vas aller à Orléans, mais au moment où la sort, c'est déjà passé. C'est quoi ce que les gens vont pouvoir découvrir sur ta chaîne ou sur tes réseaux prochainement? Je pense qu'il y a plein de projets qui vont arriver. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Peut-être essayer de diversifier un peu, toujours parler de bad, etc., mais peut-être parler d'un peu plus, que ça parte un peu plus de moi, de parler aussi de tout ce que, justement, un peu ce dont on a parlé là, mais de parler un peu de la création de contenu, pourquoi pas parler du matériel que je peux utiliser, des choses comme ça. C'est moi du contenu aussi que j'aime regarder, et j'essaye de... à la base, c'est ce que je disais, à la base je suis parti vraiment d'un truc de je me montre pas, je parle pas de moi, je me fais tout petit et je montre que ce que j'ai devant, et de plus en plus ça mûrit un peu en moi de dire en fait il faut que ça parte de moi. C'est un peu le constat que j'ai en ce moment, c'est qu'il faut que les choses partent un peu plus de moi, de ce que je ressens. Là, Orléans, alors ce sera déjà passé, et vous me direz si vous avez des retours à faire sur un peu le contenu, mais l'idée, c'est vraiment de partir de « je vais à Orléans ». Le bombadiste se rend à Orléans et vit Orléans. Et pas forcément que ce qui se passe sur le terrain, etc., etc. Peut-être faire un peu plus de vlogs, un peu plus de tout ça. Parce que je pense que ça peut être super intéressant aussi de parler de moi, ce que j'en pense, de ce que je vois, de tout ça. Je pense que ça peut être très cool. Donc la prise de conscience, elle est un peu là pour l'instant. Et puis ça me permet de pouvoir changer un peu sans me lasser, encore une fois. Moi, j'ai souvent besoin de changement. J'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Donc ouais, ça part un peu de ce postulat-là. Ensuite, il y aura, je pense, toujours des lives. On n'en a pas trop parlé, mais je fais des lives quasiment tous les mercredis avec des invités, etc. C'est un format que j'aime vraiment bien. J'aimerais bien pouvoir le faire... Là, actuellement, je le fais avec des joueurs à distance à chaque fois. J'adorerais pouvoir le faire en direct. Tu vois, des trucs, des lives en direct avec les joueurs ou avec d'autres personnes. Normalement, il y a un contenu qui arrive comme ça avec un kinésithérapeute qui habite sur l'île aussi, qui est dans mon club, etc. Et on va se faire un vrai petit podcast live, entre guillemets, sur les dangers du badminton, comment faire attention à son corps, comment tout ça. Donc ça, c'est trop cool. J'essaye de mettre en place des trucs comme ça aussi. Et puis après, j'espère pouvoir réaliser un docu sur un autre sujet. En fait, c'est très compliqué après Léa, on en a parlé, mais parce que j'ai l'impression d'avoir besoin d'aller plus loin encore. Et j'ai pas envie de faire un truc pour dire d'aller plus loin et de faire plus grand que ce que j'ai fait avec Léa. Je veux faire différent, je veux pas faire plus. Je veux faire juste différent. Et c'est pour ça que ça a besoin de mûrir, je pense. Et voilà, il y aura toujours du contenu court, il y aura toujours des trucs. Beaucoup, beaucoup de terrain, parce que c'est le but. Donc je pars à Orléans là, dans une semaine au moment où on se parle. Il y aura encore d'autres projets sur la fin d'année, des championnats de France. Normalement, je vais, enfin, c'est sûr même, mais les finales de top 12 qui auront lieu début mai, les championnats de France jeunes qui auront lieu début juin. Peut-être un tournoi, comme j'en parlais avec la Ligue, tournoi international en avril. Donc voilà, il y a un peu une fois par mois, je suis super content d'avoir ça, parce qu'une fois par mois à peu près, j'ai un déplacement où je vais vraiment sur le terrain et où je peux créer du contenu et couvrir un événement. Donc ça c'est génial. J'apprends encore beaucoup par rapport à ça, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, je pense. Mais ouais, c'est vraiment trop cool de pouvoir aller sur le terrain et que les gens me fassent confiance par rapport à ça. Donc beaucoup de terrain, je pense, et toujours du contenu, etc. J'aimerais beaucoup aussi refaire des vidéos YouTube, mais comme je disais, je suis sur une dynamique très contenu court et très limite, ça écrit, ça tourne, ça sort. tu vois, donc c'est vraiment, ça va super vite et tout, et les contenus longs prennent forcément beaucoup plus de temps, donc voilà, il faut trouver surtout des concepts, etc., des choses à pousser et tout ça. Et après, il y a un format que j'attends, que j'ai comme idée depuis quelques mois avec mon partenaire Esprit Badminton, c'est un format sur l'histoire des joueurs. Donc ça, peut-être que ce sera sorti quand vous écouterez le podcast, mais c'est un format qui est un peu en construction dans ma tête pour l'instant, de savoir un peu comment je veux le construire. Je veux faire les choses bien parce que c'est un format qui peut être, je pense, très très intéressant, de prendre les plus grands joueurs mondiaux et puis de reprendre toute leur histoire et de raconter leur histoire de ce qu'ils sont maintenant, mais de partir de où ils sont partis et d'arriver à où ils sont maintenant, quoi. Donc ça peut être très cool aussi. Voilà, un peu, j'ai fait un peu le tour. Nickel. Et bah Benoît, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah, remercier Tom d'être venu pendant cette heure là. On savait pas trop combien de temps ça allait durer, mais c'était bon, ça s'est fait naturellement. C'était plus une discussion peut-être, mais je voulais te remercier d'être venu. Ben moi merci beaucoup hein. Merci à vous. Je sais pas Ewan, si je peux dire un petit mot vite fait, mais vas-y je t'en prie. Sur mon ressenti là actuel, franchement j'ai envie de vous donner plein d'amour et merci beaucoup parce que vraiment ça m'a fait un vrai truc, un peu prise de conscience. Il y a eu des semaines compliquées là ces dernières semaines et tout, et là c'est un peu prise de conscience de, en fait je suis en train de construire un vrai gros truc et je suis jamais très satisfait, et là vous m'avez apporté beaucoup de satisfaction et tout, et d'un truc de, en fait c'est bien ce que je fais, et il faut que ça continue, et ça fait des années qu'on se connaît. Vous avez vu, je pense, beaucoup l'évolution, surtout Benoît, on se connaît un peu plus, et t'as vu vraiment l'évolution, t'as toujours été là, tu m'as toujours beaucoup conseillé et tout, donc merci beaucoup pour tout ça, et très longue vie à 21 Shuttle, parce que vous faites un putain de bon taf, et franchement c'est trop cool. J'avoue que j'écoute pas beaucoup de podcasts, donc pour être très honnête, j'écoute pas forcément souvent. Par contre, il y a des sujets qui m'intéressent de ouf, et je trouve qu'à chaque fois que j'écoute, je trouve que déjà il y a une évolution de ouf par rapport au début. Et à chaque fois que j'écoute, je trouve qu'il y a une vraie honnêteté sur ce dont vous allez parler et ce dont vous parlez au final. Tu sais, c'est pas des trucs putaclic en mode on va parler avec Alex Lanier et puis en fait il y a rien dans le truc. C'est le dernier que j'ai écouté, il date un peu maintenant, mais. Et en fait, bah moi, le podcast avec Alex Lanier m'a mis une vraie claque, par exemple, et il faudrait que j'en écoute plus. Et franchement, c'est vraiment, vraiment cool ce que vous faites comme taf, et c'est de plus en plus reconnu, donc continuez comme ça, en tout cas, et merci beaucoup pour ce moment, parce que ça a vraiment fait du bien, quoi. Eh ben, de rien, c'est vrai que c'était cool, et bah, du coup, je remercie également Benoît pour toutes ces très, très pertinentes questions. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur 21 Shuttle. Bye bye! 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给在手中，绝不等候。你是否在经历这平凡的？ j'ai un karaoké dans, genre, je pense la maison ou l'hôtel d'à côté, c'est un calvaire. Ils savent pas chanter et ils font tous des karaokés.